dans le bex, fondé dans le 50K. Hey. Dans l'auto avec deux spies, et c'est bête de vouloir venir tester. On sait mieux faire que des spo, et à chaque transaction y'a au moins 10 pièces. On les pousse et nous rembourse, pas même d'arro pour eux tous. Y'a ceux qui se contentent des tchours, et d'autres qui t'allument pour devenir chauve. De chez bug, c'est psychos en chien sous le porche. J'me dépêche, faut pas que les feux que approche. On détaille plus haut comme maintenant, c'est la frappe qui parle. Import, export, transac, de puff, récupère ton bénéf 3 fois. Avant de pousser, j'passe au chinois. Pour ma conce dans le sac, je pioche que des vins et des blocs, c'est bleu et orange dans ma sacoche. Meilleur moula, meilleur cache. Ma mission, ramener du cash, que du cash. Beaucoup de cash, une dernière carotte et j'me couche. Envoie une masse, j'en roule un autre. On resserre, moi j'en veux encore. Tu peux me voir dans le fond du set. Ou moi rabat dans le golf cette terre. Attends, pause. Vite fait. Passe à l'épée, j'ai un peu de potion. Sois pas pressé, attendez. Avant de partir, faut que j'ai pissé. Respire pour taper, c'est nous la pire espèce. C'est comme j'encaisse, Europe, cachant de caisse. Un nouveau gold. On est puissant, tellement puissant que les bêtises s'abaissent. Pour que la baisse suffit d'un clin d'œil. Dieu merci, j'ai buzzé d'un coup. J'suis gâté, j'ai pris tout gâteau. Pour être blindé, marche avec des blindés. J'suis toujours avec ma bande. Les mêmes crapules, les mêmes bandits. On baisse tout donc les autres bouts. En danger, c'est l'arme de poids que je brandis. On a plus pour trop longir le périmètre. Pas de paramètres et ton pilon est périmé. Par amour, j'ai allumé mon périmètre. La peur moula, non, on en reçoit par milliers. Et j'en rajoute une couche, non, c'est pas fini, pas fini. Et j'suis le meilleur quand j'suis sous fumette. Ah, moi j'ai interdit ces deux filmés. Maintenant j'les laisse car ça fait booster ma sassène. Envoie une masse, j'en roule un autre. On resserre, moi j'en veux encore. Tu peux mordre dans le fond du set. Dans le bec, fondé dans le 50.